Des strates de poussière pour draper le chagrin, oh comme la blessure est vilaine. Pourtant, toujours ce cœur qui bat, mais la pénitence. Surpris, j'allonge le pas et je m'éprends encore de toi. Sens du minuscule, le verre là gisant sur le sol, ou alors d'infimes gouttes de pluie brillante à la lueur presque vacillante d'un réverbère endormi. Et tant pis si coule encore des larmes pour toi. Je suis en vie, entre battements de cœur et poussière, frauduleux trépas. En attente de quoi? En attente de quoi? J'ai bradé mes oreilles et ma voix. Je suis en vie, en attente de toi, en attente de toi. Restent ces curieux mots suspendus à mon chapeau, pourfendant sans relâche la douloureuse incertitude. Je me sens si vieux, hideux et nu. Je me sens si vieux, je me sens si hideux et nu. Alors, quel horizon, si ce n'est un hypothétique toit ?